Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, François Mitterrand, de Pétain à De Gaulle. En 1994, alors que François Mitterrand était encore président de la République, le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, provoqua un véritable choc. Les Français découvraient que sous l'occupation, leur président, avant de devenir un authentique résistant, avait été jusqu'en 1942 un serviteur zélé de Pétain, au point de se voir décoré de la Francisque. Avec, entre autres preuves, une photo, terrible, montrant Mitterrand reçu en audience par le maréchal à Vichy. Cette photo est terrible parce qu'elle montre ensemble ce qui jusqu'alors semblait inconciliable. La résistance, la République, la gauche, face à la révolution nationale, l'extrême droite, la collaboration. Rappelez que cette photo date d'octobre 1942, soit 3 mois après la rafle du Vel'd'Hiv, a de quoi donner la nausée. Mais les révélations sur le passé de François Mitterrand en 1994 vont nous amener à regarder en gris ce qui jusqu'alors ne se voyait qu'en blanc ou en noir et à considérer une nouvelle catégorie de résistants au parcours ambigu, les vichisto-résistants. Ces 2 ans de la vie d'un jeune homme romantique et ambitieux, sûr de son destin national, que je vais raconter ce soir, François Mitterrand, de Pétain à De Gaulle. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Bénédicte Vergès-Chaignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, l'auteur notamment en 2008 du livre Les Vichisto-résistants, justement un mot un peu barbare, pour désigner qui et quoi exactement? Oui, une expression pas très jolie pour désigner ceux qui sont des résistants authentiques, parfois très précoces, mais qui ont cru plus ou moins longtemps que c'est à Vichy, voire à l'intérieur des organes de l'État français, et avec l'approbation, ou peut-être même le soutien, du maréchal Pétain que se préparait la revanche contre l'Allemagne et la libération de la France. François Mitterrand a-t-il été le premier à être désigné ainsi? Non, c'est vrai que le terme devient populaire à la parution du livre de Pierre Péan et tout le débat que cela a suscité. C'est vrai que François Mitterrand en est l'emblème, mais il est loin d'être le seul dans ce cas. Alors, avant de raconter le parcours du jeune François Mitterrand entre 1942, donc quand il est jeune prisonnier, évadé, il arrive à Vichy, et août 1944, quand il va célébrer à côté de De Gaulle la libération de Paris, pourriez-vous nous rappeler, Bénédicte Vergès-Chaignon, ce qu'a été son itinéraire politique? Alors vous insistez sur sa jeunesse, et effectivement, il est né en 1916. Donc, dans les années 1930, il arrive à Paris pour y faire ses études. Et là, il choisit des engagements politiques qui sont, par exemple, aux côtés des Croix de Feu du colonel Delaroque, un grand parti populiste et chrétien qu'on assimile à tort à un parti fasciste, parce que c'est un parti de masse, mais qui est, disons, un parti de droite. Légaliste. Tout à fait. Et le jeune François Mitterrand, il est ce qu'on appelle un national dans ces années-là, c'est-à-dire un homme de droite qui n'est pas un factieux, mais qui a vraiment des convictions de droite. Il n'a pas appartenu à la cagoule, comme on l'a non, prétendu. Non, mais c'est vrai que dans ses relations personnelles et familiales, il y a un certain nombre d'hommes de la cagoule et avec lesquels il ne rompra pas ni à ce moment-là, ni plus tard. En 1939, il est mobilisé, comme bien beaucoup sûr, de Français. Et puis, il est blessé le 14 juin 1940 et fait prisonnier, cueilli dans l'hôpital où il était à la suite de ses blessures, emmené en Allemagne jusqu'en Thuringe. Et là commence une captivité désespérante, parce qu'il a vraiment l'impression que sa vie lui échappe et qu'on lui vole sa jeunesse. Et à 3 reprises, il essaie de s'évader. Et la 3e fois est la bonne. En décembre 1941, il parvient à regagner la France. Merci Bénédicte Vergès-Chaignon. Nous poursuivrons cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, François Mitterrand de Pétain à De Gaulle, un texte de Renaud Meyer, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Michel Sidoroff. Je n'en peux plus de cette ville affreuse. Cette cuvette qui incite à la torpeur. Son humidité, ses hôtels stupidement alignés. Pouah ! Pas de souffle ici. J'étouffe. Je ne vais pas passer ma vie au bureau de la Légion à rédiger des fiches sur les communistes et les francs-maçons. Je veux prendre des risques. L'histoire ne juge que les actes. Il faut donner son sang et son héroïsme. L'incertain est tellement gros de triomphe. Ça vaut peut-être la peine de mourir pour désencrasser la civilisation. Bon sang, mais c'est... Le maréchal ? C'est lui ? Avec sa moustache blanche et son képi, comme il est beau. On dirait une statue de marbre. Et la voilà. Ma chance. La lumière au milieu de la nuit. Je vais aller lui dire que... Je l'admire. Que je compte sur lui pour redresser le pays. Ensuite, qu'il est mal entouré. Mal conseillé. Que les prisonniers se sentent abandonnés. Le maréchal a besoin d'hommes comme moi. Les grands hommes sont un gibier si rare. Non. Non, je ne peux pas lui dire ça. Les prisonniers évadés n'ont pas le droit de travailler. Et avec ces types autour de lui, je pourrais tout juste lui serrer la main. Il ne m'écoutera pas. Où est-il passé ? Il est entré dans une voiture. Quelle poisse ! De mars 1942, à Vichy, rue Sornin. François Mitterrand, 25 ans, aperçoit pour la première fois le maréchal Pétain. Comme beaucoup de Français, il est maréchaliste. Une évidence qui s'accorde avec ses convictions d'ancien étudiant en droit, qui a suivi un temps les croix de feu du colonel de la Roque et continue de fréquenter des membres de la Cagoule, organisation clandestine d'extrême droite. Après deux tentatives manquées, François Mitterrand a enfin réussi à s'évader de son camp de prisonniers en Allemagne. C'est alors, tout naturellement, qu'il s'est rendu à Vichy. Grâce à des relations familiales, il a trouvé un emploi à la Légion française des combattants, organisation chargée de promouvoir la révolution nationale pétainiste en laquelle il croit. Mais le 18 avril 1942, Pétain a cédé une fois encore aux revendications allemandes, rappelant à la tête du gouvernement celui qu'il considère comme son principal adversaire, Pierre Laval. En signe de protestation, le directeur de la Légion démissionne. François Mitterrand quitte lui aussi l'organisation. Devenu chômeur, il ronge son frein dans son petit logement de la rue Nationale. Un de ses amis, Jean-Albert Roussel, évadé comme lui d'un stalag, découvre peu à peu les véritables ambitions de François Mitterrand. Mai 1942. Une de fête. Merci Roussel, c'est très aimable, mais c'est non. Pourquoi ? J'ai autre chose à faire. Je ne comprends pas. Vous êtes chômeur. Je vous propose un emploi au commissariat aux questions juives, très bien rémunéré. Et vous refusez. J'ai d'autres occupations. Moins lucratives, mais plus édifiantes. La taille des pommes de terre ? Vous en sculptez autant que moi, non ? Sans ces faux tampons, combien de prisonniers seraient encore dans les stalags ? Si j'accepte votre proposition, qui va fabriquer les faux papiers ? Organiser les filières d'évasion ? Trouver les correspondants ? Nous avons toujours mené des activités parallèles. L'un n'empêche pas l'autre, vous le savez très bien. Vous refusez à cause de Laval ? Je m'en moque. Vous êtes bien le seul. Il a maintenant la présidence du Conseil, les affaires étrangères, l'intérieur, l'information. Belle prise de guerre. On ne sait rien de ce que fera Laval. C'est un vieux de la vieille, un défenseur de la paix. Laissons-lui le bénéfice du doute. Je croyais que vous aviez démissionné de la Légion à cause de sa nomination. J'ai démissionné de la Légion parce que je m'y ennuyais à mourir. Alors vous comprendrez, il est hors de question que je reprenne un emploi de fonctionnaire. Vous n'allez pas rester au chômage. Vous pensez que votre fiancée sera fière de vous ? Béatrice, c'est ça ? Son vrai nom est Marie-Louise. Mais je préfère Béatrice, en référence à Dante. Eh bien, Béatrice vous préfère au commissariat aux questions juives plutôt que chômeur, je vous le dis. Ne vous fatiguez pas. Béatrice en a trouvé un autre, alors elle se moque de ce que je peux bien fabriquer de ma vie. Et vous gardez sa photographie accrochée au mur ? Nostalgie amoureuse. Béatrice est de ces déesses allégoriques dont parle Proust. Si vous saviez comme mes sentiments sont secs désormais. Avec cette rupture, je dois tout réinventer de moi-même. Justement, c'est l'occasion. Comment vous le dire ? Je suis d'une autre trempe que ces fonctionnaires. L'époque est magnifique. Je ne veux pas la regarder de ma fenêtre. Je veux agir. J'ai autre chose à vous proposer. Chef de la section presse au commissariat au reclassement des prisonniers. Pas mal, non ? C'est 3 fois mieux payé que les questions juives. Mais je veux de l'action, Roussel, pas de la paperasse. Vous seriez très utile au reclassement des prisonniers. Vous les connaissez par cœur. Vous jouissiez d'un tel charisme auprès d'eux. Et puis, 2 millions d'hommes, ça fait du monde. 2 millions, c'est vrai. Et puis quand viendra la libération, ils se chercheront un chef, un homme d'envergure, qui connaîtra leurs souffrances, leurs problèmes, qui saura les guider. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas pour moi. Mieux vaut mourir dans l'action que d'attendre la mort dans ces maudits bureaux. Vous savez, Pinault, le commissaire général, n'est pas qu'un simple fonctionnaire au service de Vichy. C'est aussi un homme d'action qui sait prendre des risques. Lui et quelques autres... Bon, venez-en au fait. J'ai rencontré un type. Un certain Antoine Mauduit. Un homme exceptionnel. Sous couvert du commissariat aux prisonniers, il veut créer un vrai mouvement anti-allemand. Avec lui, nous avons trouvé un endroit idéal. Le château de Montmort, dans les Hautes-Alpes, près de Notre-Dame de la Salette. Officiellement, pour Vichy, ce sera un lieu pour accueillir les prisonniers évadés, qui fabriqueront du charbon de bois. Pour nous, ce sera le repère de notre future organisation. Et quel serait mon rôle ? Avec un homme comme vous, intelligent, brillant, ce mouvement prendrait de l'ampleur. On peut entrer dans ce mouvement sans devenir fonctionnaire au commissariat ? Bien entendu. Mais en étant au commissariat général avec Maurice Pinault, vous, moi et tous les autres, nous pourrions noyauter l'administration. La collaboration est un échec, vous le savez. Mais on peut avoir utilement un pied à Vichy et l'autre dans la clandestinité. Un double jeu. J'ai déjà parlé de vous à Mauduit. Mitterrand, vous êtes des nôtres ? François Mitterrand entre au commissariat général au reclassement des prisonniers. Et dans le même temps, rejoint la chaîne, le mouvement créé par Antoine Mauduit et financé par Vichy, chargé d'actions clandestines d'aide aux évadés. Le 15 octobre 1942, il rencontre pour la première fois le maréchal Pétain à l'hôtel du Parc, siège du gouvernement à Vichy. Une photo immortalisera la scène. Mitterrand lui expose l'action de son service concernant la collecte de vêtements chauds pour les prisonniers. Nul doute que Mitterrand fait part également de ses sentiments maréchalistes. Mais il découvre un Pétain affaibli, incapable de résister aux exigences de Hitler. En novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Les Allemands envahissent la zone sud. Début 1943, Laval révoque Maurice Pinault, accusé de saboter la politique du gouvernement. Conscient que Vichy devient la capitale d'un État illusoire, Mitterrand saisit l'occasion pour démissionner du commissariat. Rêvant d'action plus que jamais, il se rend le 13 février 1943 au château de Montmort, où se tient une réunion des membres de la chaîne de la plus haute importance. Il s'agit d'unifier le mouvement clandestin sur l'ensemble du territoire. Michel Caillaud, le neveu du général de Gaulle, est présent. C'est le début d'une opposition farouche entre Mitterrand et Caillaud, chacun étant déterminé à prendre la tête du mouvement. Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Deux voitures qui arrivent. On ne peut pas rester là. Éteignez les bougies. Mitterrand, vous emmenez Caillaud avec vous ? Je vais me cacher dans la petite cave sous la tour du côté est. Si ce sont des boches, Mauduit saura faire avec eux. Moi, je conduis les autres dans la salle des blasons. Passez par cette porte. Vous connaissez le chemin ? Oui, oui. On n'y voit rien. Suivez-moi. Pourquoi je ne peux pas rester avec les autres? Si les Allemands vous trouvent, on est tous bons pour les camps. Vous prenez trop de risques. Vous sortez de prison, Caillot. Et vous, vous sortez de Vichy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'aime pas votre côté fonctionnaire inféodé à Pétain. On ne peut pas tout reprocher à Vichy. Ce sont eux qui financent notre organisation. C'est certain. L'argent ne manque pas là-bas. Laissez-vous. Ils ont de quoi financer leur valet. Je vous avais dit de vous baisser. Vous feriez mieux de m'écouter au lieu de déballer vos banalités sur Vichy. C'est encore loin, votre cave. Taisez-vous. Vous entendez? Non. Mauduit discute avec des types. Des boches? Je n'arrive pas à entendre. C'est curieux. Nous allions voter la motion de synthèse sur la future organisation du mouvement. Votre ami Roussel s'est précipité à la fenêtre pour nous faire des guerpières. Et voilà que je me retrouve seul avec vous dans les caves du château. Qu'est-ce que vous croyez, Caillot? Qu'on veut vous supprimer? Vous provoquez la confusion pour mieux imposer vos idées. Roussel aurait inventé l'arrivée des voitures allemandes? Vous savez très bien que dans ce comité national de lutte par les prisonniers, c'est vous ou moi, votre conception contre la mienne. Votre conception ne tient pas. Un plan général de résistance. Ce n'est pas le moment. Avancez au lieu de discuter. Menez des actions, renseignez Londres. Il est hors de question de renseigner Londres et de saboter quoi que ce soit. Pas de résistance gaulliste, vous entendez? Nous devons préparer la libération sans faire de vagues, en douceur, sans éveiller les soupçons. Et si possible, en savonnant la planche du nouveau commissaire aux prisonniers. Il n'y a pas que les prisonniers. Notre action doit être plus vaste. La chaîne s'appuie sur les prisonniers pour le redressement de la France et la défense de la civilisation chrétienne. Ça ne vous paraît pas assez vaste? Votre côté chevalier du Moyen-Âge, ça doit vous plaire ce château gothique avec ses cheminées et ses blasons. On s'y croirait? 14e siècle, une pure merveille. Oui, il y fait un froid de gueux. Venez. C'est ici. Il n'y a pas de lumière? Non. On va rester longtemps. Roussel viendra nous chercher. Je ne vous laisserai pas prendre la tête des prisonniers, Mitterrand. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous savez diriger les hommes mieux que moi? Simplement, j'y ai beaucoup réfléchi. On ne dirige une masse qu'à quelques hommes. J'en suis certain. Et ces hommes n'ont aucun compte à rendre à la masse. Quand je serai ministre, j'aurai certainement besoin de chargé de mission. Je penserai à vous. Les gens comme vous doivent se sentir bien seuls. Ce caillou est une épine dans le pied. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Je vais demander à Roussel de lui retirer son local. Ensuite, on cessera de payer sa dactylo. Il ne lui restera plus que sa machine à écrire. Si on ne la fait pas disparaître. Michel Caillot, le neveu du général de Gaulle, quitte le château de Montmort avec une certaine amertume. François Mitterrand prend de l'ascendant sur le mouvement qui se dessine. Au grand jour, en marge de ses activités clandestines, Mitterrand rédige des articles pour la presse maréchaliste et reçoit la Francisque, une décoration qui s'avère sur le moment une couverture idéale. Il peut ainsi lutter ouvertement contre le nouveau commissaire aux prisonniers, André Masson, protégé de Pierre Laval, et profiter du jeu trouble qui se joue à la tête de l'État entre Pétain et Laval. Le 10 juillet 1943 marque un tournant dans son engagement. François Mitterrand se rend à Paris, salle Wagram, où se tient la journée nationale du mouvement prisonnier qui doit asseoir le pouvoir du nouveau commissaire. Dans une salle pleine à craquer de délégués aux prisonniers, sous un immense portrait du maréchal Pétain, André Masson vante la politique de Pierre Laval, dénonce la trahison des gaullistes et demande le ralliement de tous les patriotes. Un véritable hymne à la collaboration. Dans le public, Mitterrand se dresse soudain sur sa chaise et, à la surprise générale, invective Masson, le traite de menteur, d'ennemi des vrais patriotes. Depuis la tribune, Masson, interloqué, menace de le convoquer chez Laval. Mitterrand doit s'enfuir. Je vais sortir par cette porte. Papier, s'il vous plaît. C'est qui ces types? Papier, s'il vous plaît. Contrôle les papiers. Très bien, merci. Masson a placé ses hommes à toutes les issues. Papier. Je vais passer par l'autre porte. Bonjour, papier, s'il vous plaît. C'est pareil. Cette réunion est un piège. Vous là. Mieux vaut ne pas courir. Dehors, il y a la police casquée. Je sais. Je vais sortir tranquillement et leur présenter mes papiers, la tête haute, le regard fier. Messieurs, bonne journée. Ça a marché. Un coup de maître. Demain, tout le monde parlera de mon intervention. Mon choix est fait. La résistance et la clandestinité s'imposent. Il faut quitter Vichy, faire disparaître Mitterrand, être Morlan jour et nuit, changer de métier, de visage, porter la moustache, avoir une existence double, triple, se préparer corps et âme à s'introduire dans le siècle. L'intervention de François Mitterrand, Salva Graham, provoque un tel tollé qu'elle sera relatée par Maurice Schumann sur les ondes de la BBC. En ce qui concerne Mitterrand lui-même, cet événement met un terme définitif à sa position inconfortable et ambiguë entre collaboration passive et résistance. Les derniers liens avec Vichy sont rompus. Mitterrand devient Morlan et entre définitivement dans la résistance et la clandestinité. Il lui faut désormais des ordres, de l'argent et des armes. Il a fait la connaissance d'Henri Freinet, résistant de la première heure et fondateur du mouvement Combat. C'est un soutien de poids face à Michel Caillaud, qui de son côté poursuit sa lutte pour la direction du mouvement prisonnier. Le 11 novembre 1943, la planque de Mitterrand à Vichy est fouillée par la Gestapo. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Robert et Marguerite Anthelme, future Marguerite Duras, tous les deux sympathisants communistes. C'est eux qu'il charge de l'implantation de son réseau en zone nord. Mitterrand s'envole pour Londres, obtient la promesse de soutien financier et la livraison d'armes. Le 29 novembre, il part pour Alger, où l'attend, à la villa des Glycines, le général de Gaulle, désormais seul chef de la résistance. C'est un vrai foutoir, cette villa. Il n'y a vraiment que des fonctionnaires de la résistance pour entasser des machines à écrire sur des lits de camp. Je serais mieux à me promener dans Alger avec mon frère et Dayan, à humer l'odeur du jasmin plutôt qu'ici, à affronter De Gaulle. Il va falloir lui faire avaler Vichy. Garder la tête froide, ne rien lâcher. Ça ne va pas être simple. Alors, Mitterrand, on m'a dit que vous étiez venu par un avion anglais ? C'est exact, mon général. Bien. Très bien. Avion anglais. Curieuse remarque. Il a une drôle de tête, ce De Gaulle. Trop petite pour son grand corps. Ce visage de condottière frotté chez les bons pères. Et ses jambes immenses repliées sous son bureau. Alors, éclairez-moi. Quel est l'état de la résistance intérieure ? Elle s'organise, mon général. Les réseaux s'étoffent. Les regroupements s'opèrent, ça et là. Les actions se multiplient. Quel genre d'action ? Lutte contre l'occupant et contre les recherches de la police allemande. Entraide pour retrouver du travail. Évasion des camarades encore en captivité. 2 millions de prisonniers seront de retour à la libération. C'est un problème à étudier sans attendre. Je veux une fusion des différents mouvements prisonniers, vous m'entendez ? Avec Caillaud à leur tête. Vous aurez des armes et de l'argent. Vous pouvez compter sur moi. Il balance sa belle main un peu molle, au rythme de je ne sais quelle berceuse. Comme s'il voulait m'endormir. Pas question de tomber dans le panneau. Je me suis toujours soumis à la discipline nationale, mon général. Mais la résistance intérieure a ses propres lois, qui ne peuvent se réduire à l'exécution d'ordres venus de l'extérieur. Vos instructions sont par conséquent inapplicables. Je comprends bien ce qui vous froisse, Mitterrand. Que la direction soit confiée à mon neveu. Mais nous ne pouvons accepter ce choix. Son organisation est truffée de personnes non qualifiées. Par ailleurs, Caillaud exagère l'importance de son réseau. S'il existe, Qu'est-ce qui vous fait croire ça? L'imagination débordante de votre neveu. Votre mouvement vous semble plus important que le sien? Nous disposons de groupes dans 52 départements et entretenons des liaisons avec 20 camps de prisonniers en Allemagne. Dans chaque ville de France, nos adhérents se comptent par centaines. Clermont-Ferrand, 350, Nice, 300, Marseille... Assez, assez. Vous avez sans doute entendu parler de nos interventions à Lyon et à Paris, Salvagram, qui ont conduit à l'échec complet des journées prisonniers organisées par Masson et Laval. Quant à l'administration de Vichy, son noyautage est assuré par nos soins. Justement, Mitterrand, je trouve votre maréchalisme assez fâcheux. Mon général, le drame de la France a fait que des hommes comme moi, honnêtes et désintéressés, ont cru pendant un certain temps au maréchal et placé en lui leur confiance. Sans doute ont-ils été trompés sincèrement. Et s'ils ont fait une erreur, on ne peut pas la leur imputer comme un crime. L'immense majorité du peuple français a fait confiance au maréchal. Vouloir refuser systématiquement de faire route avec cela n'aboutirait qu'à nous isoler. Nous devons tous marcher vers une politique d'union sincère. Agir autrement serait prendre une terrible responsabilité vis-à-vis du pays. Dans un esprit d'union sincère, seriez-vous prêt à fusionner votre organisation avec celle de Caillaux et les réseaux du Front National? J'ignorais l'existence de ce Front National. Et les communistes? S'ils sont prêts à suivre mes directives. Mitterrand a gagné. À l'issue de cet entretien, le général de Gaulle et Henri Freinet se portent garants de ses décisions. On ne fait pas parrainage plus prestigieux. Michel Caillaux a perdu. Mitterrand aura désormais la haute main sur le futur regroupement national des prisonniers de guerre sous la houlette du CNR. Il devient une figure de la résistance et réussit à faire oublier son maréchalisme. Après un passage par Marrakech, puis Londres, il est enfin de retour en France fin février 1944. Dès le printemps, il s'allie au mouvement communiste et tombe amoureux d'une jeune résistante aux idées laïques et socialistes, Danielle Gouze. Cette idylle évolue dans une atmosphère confuse et périlleuse. Alors que le débarquement allié est imminent, l'occupant, particulièrement nerveux, multiplie les actions contre la résistance. Mitterrand, lui, multiplie les identités, les faux métiers, les planques. Celle de la rue du Pain à Paris, le domicile de Robert et Marguerite Anthelme, où ils se cachent durant plus d'un mois et où se tiennent toutes les réunions importantes, est découverte par la Gestapo le 1er juin. Échappant de peu à cette arrestation, Mitterrand se précipite afin de prévenir Danielle Gouze. Trop de réunions se déroulaient dans cet appartement. Je n'ai cessé de le répéter. Tout ça pour discuter avec les communistes de ce qu'on fera en cas de disette à la libération. Les gestapistes ne vont pas nous lâcher. On va tous y passer. Ils doivent être en train de fouiller l'appartement. Ils vont découvrir les archives du mouvement, les faux papiers, les armes. On n'a pas été assez prudents. Je savais qu'il ne fallait pas travailler avec les communistes. Oh, je suis en retard. Pourvu que Danielle m'attende. Mon tendre amour, elle ne sait rien pour la rue du Pain. Si elle croit que j'ai oublié notre rendez-vous, qu'elle ne m'attend pas, elle risque de se rendre rue du Pain et elle sera perdue. Non. Elle est là. Avec son regard amoureux, innocent. Mon Dieu, qu'elle est charmante. Adorable. Allons, mon cher amour, venez avec moi. Mais François, qu'est-ce qui vous prend? Je vous enlève. Il ne faut pas rester là. C'est trop dangereux. Je sais bien que l'amour est dangereux. Il y a des dangers plus grands que l'amour. La Gestapo, ils sont à nos trousses. Vous êtes suivi? J'ai échappé de peu au pire. J'avais rendez-vous chez Lippe avec Robert Anthelme. Il n'est pas venu. J'ai téléphoné rue du Pain et je suis tombé sur un inconnu qui disait être mon beau-frère. J'ai tout de suite compris. Ils ont embarqué Marie-Louise et Robert Anthelme, fouillé l'appartement et... je crains qu'ils n'y découvrent des preuves nuisibles pour tout le monde. Et Marguerite? Elle a réussi à s'en sortir. Qui a mené les Boches rue du Pain? Il y a des taupes dans le mouvement. Sûrement d'anciens copains de Caillaux. Oh. Ce sont eux qui nous ont donné. Vous avez des noms? J'ai mon idée. Vous ne pouvez pas retourner là-bas, François. C'est trop dangereux. Il faut vous trouver une autre planque. J'ai pensé à mon amie Antoinette Bouvier. Elle peut vous accueillir chez elle? J'y serai en sécurité. J'aimerais rester avec vous, François, mais... Ne vous tracassez pas pour moi. Partez pour Lyon, passez votre bachot. Je viendrai vous voir. J'ai peur pour vous. J'ai vaincu la faim et le froid des camps de prisonniers, l'atmosphère putréfiée de Vichy. J'arriverai à semer la Gestapo. Et puis, avec une résistante de votre valeur dans mon cœur, je suis prêt à déplacer des montagnes. Vous allez me manquer. Mon Dieu, comme elles sont bonnes. Si fragiles entre mes bras. Et pourtant, si fortes. Courageuses. Exemplaires. Nous sommes tellement différents. Comment notre amour est-il possible ? Elle sait pour Vichy, la Francisque, mes amis d'hier. Mais jamais une allusion. Seul compte les actes. Le présent, notre combat avec les camarades. Oh, ma petite Danielle. Vous aussi, vous allez me manquer. Danielle Gouze part pour Lyon passer la seconde partie de son baccalauréat, tandis que François Mitterrand poursuit ses activités clandestines à Paris. Mais il découvre que la Gestapo a saisi, rue Dupin, des photos de lui et de Daniel. Il craint pour la vie de la jeune fille et demande à l'un de ses amis de partir la chercher à Lyon et de la remonter à Paris. Daniel rejoint François et le 8 juin 1944, il la conduit lui-même en Bourgogne afin de la mettre en lieu sûr. Vous acceptez les cadeaux d'un officier allemand ? Uniquement pour le plaisir de les partager avec vous. Où les a-t-il dénichés ? À l'arrêt précédent. Comment ? Je ne sais pas. On jette les noyaux par la fenêtre ou on vise l'officier ? Déposez-les dans ma main. Ça nous évitera des ennuis. D'autant que cet officier me paraît civilisé et plutôt charmant. Charmant ? Pas autant que vous. Nous chanterons le temps des cerises, et guerre aux signoles, et merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux. Le merle moqueur. Cette chanson, Jean-Baptiste Clément l'a écrite en souvenir d'une jeune fille, une certaine Louise, qui refusait de quitter les barricades de 1871 pour continuer de sauver des vies. Elle devait vous ressembler. Intrépide. C'est vous qui êtes intrépide. Envoyez votre ami me chercher comme ça, sans crier gare, à la sortie du lycée, remonter sur Paris, m'embarquer dans ce train pour nous retrouver dans la gueule du loup. Heureusement, je vous fais une confiance aveugle. Il le fallait, ma photo circule. La vôtre également. Paris est devenu trop dangereux. Qu'est-ce que c'est ? La ligne de démarcation. La police allemande. C'est un contrôle. Sortez vos papiers et laissez-moi faire. Je serai seul, je sauterai du train. Mais avec Daniel, je ne veux rien tenter. Si on nous arrête, ce sera ma faute. Quelle idée j'ai eue de laisser traîner une photo d'elle rue Dupin. On est foutus. L'officier allemand va nous donner. Il nous a offert les cerises des condamnés. Vous voyez, il faut toujours laisser faire les femmes, François. Quel sang-froid, mon cher amour. C'était moi une. Le policier avait une feuille avec des noms. J'ai vu Morland dans la liste. Morland. L'officier a dit qu'il nous connaissait. Il vous trouve décidément à son goût. Il vous a sauvé également. Lui aussi doit avoir une amoureuse. Quelque part en Allemagne. Si on sort de cette guerre, François, promettez-moi que nous nous marierons. Je sais que nous sommes différents. Notre milieu, nos croyances, tout nous sépare. Je vous aime tellement, Danielle, ma petite fiancée. C'est vrai ce que m'a raconté ma sœur ? La photo sur le piano de Patrice ? Oui. Pella est en train de jouer. Il y avait une photographie de vous sur le piano. En la découvrant, j'ai juré immédiatement à tout le monde d'épouser la jeune fille qui était sur ce portrait. C'est ma sœur, m'a lancé Christine. Amoureux d'un portrait. Comme dans les contes de fées. Pourtant, je ne vous ai pas senti enchantée lors de notre première rencontre, mademoiselle Gouze. Il fallait vous voir, avec votre grand chapeau de danseur de tango argentin. Votre moustache, votre vieux manteau, votre tombe au cœur. On était loin du prince charmant. Ce sont les accoutrements souvent ridicules de la clandestinité. Lénine et Trotsky travaillaient eux aussi leur allure. Daniel, promettez-moi de patienter à Cluny avec vos amis, tandis que moi... Vous repartez ? On m'attend à Paris. J'y resterai jusqu'à la libération. Le mouvement ne peut pas se faire sans moi. Sitôt Paris libéré, je vais devoir créer des administrations, des groupements de combat, tout tenir à bout de bras. Et puis, il faudra constituer un gouvernement. Grâce à Henri Freinet, François Mitterrand est nommé en mai 1944 par De Gaulle secrétaire général aux prisonniers, déportés et réfugiés, soit l'équivalent d'un ministre. À 27 ans, c'est un véritable tour de force. Voilà Mitterrand, alias Morlan, à la tête d'une communauté de 3 millions d'hommes. Dès le 19 août 1944, son groupe de résistants contribue à la libération de Paris. Ils détruisent les centraux téléphoniques allemands, participent à l'épuration, occupent tous les immeubles stratégiques, à commencer par celui de la rue Meyerbeer, siège du commissariat aux prisonniers, que Morlan prend l'arme au poing au nom de la Révolution. Le 25 août 1944, après une traversée triomphale de la capitale, le général de Gaulle se rend à l'hôtel de ville. Mitterrand est présent en sa qualité de secrétaire général. Devant l'accueil qui lui est réservé, de Gaulle, depuis le balcon, improvise un vibrant discours à la foule en liesse. Nous sommes ici, chez nous, dans Paris, levés. Il ne devrait pas se pencher comme ça. La rambarde n'est pas assez haute. Il a une telle confiance en lui. Il en rêvait de cette France à ses pieds, ses grands pieds, qu'il devrait arrêter de soulever, sinon il va basculer. Reculez, mon général. De nos pauvres vies. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière. Ça va, mon général ? Mitterrand, encore vous ? Oui, mon général. Vous me suivez partout ? Je suis la France, mon général. Moi aussi, Mitterrand. Et partout où je vais, elle se trouve. C'est étrange, n'est-ce pas ? Vous avez manqué de tomber, mon général. Mais non. C'était dans votre esprit, Mitterrand. Ne poussez pas, bon sang. Laissez-moi passer. De Gaulle. Il est convaincu d'être la France. Il exprime sa vérité. Il accomplit son destin. Le pays avait besoin d'un héros, et ce héros, c'est lui. Il ramène tout ce qu'il est à sa propre aventure. Ses actes le créent. Quel soldat. Quel patriote. Dieu a créé le monde sans que j'en sois à l'origine. C'est regrettable. Mais pas insurmontable. Aujourd'hui, De Gaulle incarne la France et salue la foule. Demain, il me cédera la place. François Mitterrand de Pétain à De Gaulle de Renaud Meyer avec François Mitterrand, Anthony Audoux, Charles de Gaulle, Quentin Bayot, Jean-Albert Roussel, Slimane Niefza, Michel Caillot, Frédéric Andreau, Daniel Gouze, Clara Noël. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Bruno Mourlan et Antoine Vieussa, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Michel Sideroff. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur François Mitterrand de Pétain à De Gaulle avec mon invité Bénédicte Vergès-Chaignon. C'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début. c'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vu. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu, sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début, sans penser à demain. Royaume suspendu à t'aborder enfin, mais j'ai confondu, c'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début, c'est là que je t'ai vu. C'est là que je t'ai vu. Ses voeux. Moi je commande un train et aussi d'être heureux, seul ou même à deux. C'est ambitieux, trouver le chemin souvent c'est douloureux. C'est douloureux, c'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début, c'est là qu'on fait ses voeux. On fait ses voeux. C'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début, c'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vu. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu, sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début, sans penser à demain. Raté, raté, raté, je t'ai. Début de Gaëtan Roussel sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Maxime Ingrand. Bénédicte Vergès-Chaignan, nous avons quitté François Mitterrand à l'hôtel de ville de Paris au moment de la libération de Paris, 25 août 1944. Il est avec le général de Gaulle. Mitterrand a 28 ans, une belle carrière s'ouvre à lui. Oui, c'est un très grand moment pour lui. Il est brièvement, mais quand même, secrétaire général provisoire. Donc, membre du gouvernement de transition, il a participé à la libération de Paris et c'est un très bel avenir qui s'ouvre à lui en utilisant le levier du mouvement des prisonniers de guerre. Sous la 4e République, il va être député et cette fois ministre. Et on a vu comment il a réussi sa mue de pétainiste en résistant, authentique d'ailleurs résistant, hein, prenant des risques réels. Mais est-ce que Mitterrand, pour autant, il est devenu gaulliste ? Ah, pas du tout. Je ne pense pas qu'il ait jamais prétendu être gaulliste. Et finalement, je crois que dès l'automne 1944, comment dirais-je, il a repris son indépendance. D'ailleurs, de Gaulle n'était pas dupe. Non, non, du tout. Alors, pour revenir sur l'étonnante trajectoire de Mitterrand sous l'occupation, je vous propose de l'écouter. Donc, Mitterrand lui-même, c'est en 1969, il décrit son parcours depuis sa jeunesse. Je suis né dans une famille nombreuse. C'était des gens très catholiques, très chrétiens, très ouverts, très libéraux. Alors, j'ai vu un peu les deux côtés de la barricade. Je suis devenu étudiant, j'ai été prisonnier de guerre. Puis la résistance, puis j'ai connu le général de Gaulle en 1943, je me suis rendu à Londres, à Alger, je suis revenu pour continuer ma tâche pendant la guerre, dans des conditions évidemment difficiles. J'ai fait partie du gouvernement insurrectionnel de Paris, Tout ceci a, si j'ose dire, m'a permis d'approcher les deux traditions de la France. La droite et la gauche, les possédants et les non-possédants s'ignorent. J'ai essayé de faire la synthèse. François Mitterrand, donc interrogé en 1969 à la radio suisse à l'occasion de la sortie de son livre « Ma part de vérité ». Alors, plusieurs choses intéressantes, il me semble. Bon, alors il y a d'abord ce parcours hyper rapide, étudiant, prisonnier de guerre, puis résistant. Il passe complètement sous silence son passage par Vichy. Alors, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que des omissions. Oui. Voilà. C'est ouais. « Ma part de vérité », effectivement. Le titre est bien trouvé. Une famille catholique chrétienne. Et de droite, et très de droite, hein, par exemple, ça n'est pas dit. Un étudiant de droite aussi, et bien sûr, bon, tout ce qui concerne Vichy n'existe pas. On a l'impression que c'est quelque chose qui est impossible à révéler, surtout en ces années de gaullisme triomphant, surtout quand on aspire soi-même à devenir président de la République. On est oui, en 69. Alors je vais vous dire, c'est même quelque chose qui est devenu rapidement difficile à faire entendre qu'on ait pu être un authentique résistant et un maréchaliste plus ou moins longtemps. Pour autant, il y a bien des gens que François Mitterrand a côtoyés dans les années 30 et 1940 qui savent très bien oui, d'ailleurs, où il est passé. On lui rappellera souvent. Et on lui rappellera tant à gauche en le traitant d'opportuniste qu'à droite en le traitant de renégat. Il y a une autre chose intéressante, il me semble, dans ses paroles de 1969. Il dit « J'ai connu les deux côtés de la barricade, la gauche, la droite. J'ai essayé de faire la synthèse. » Il y a quelque chose de... Oui, vous avez raison. Il est une synthèse humaine des contradictions françaises. Et en ayant eu ce parcours, il est plus représentatif de la majorité des Français que les résistants purs et durs tels que nous les imaginons. Mais c'est quelque chose qu'il ne pourra révéler finalement et assumer publiquement que plus tard. Et c'est peut-être justement pour ça aussi que Pierre Péan pourra écrire ce livre, Une jeunesse française, publié en 1994, avec l'accord de François Mitterrand oui, lui-même. Tout à fait, qui semble avoir voulu solder les comptes à la fin de il est sa malade, vie. Il sait qu'il va mourir et, prochainement. Et d'ailleurs, c'est aussi la première fois que ces épisodes vichysois sont évoqués de manière documentée et sans hostilité de la part de Pierre Péan, puisque là, il ne s'agit pas d'un combat politique. Alors, je vous propose justement d'écouter Mitterrand encore une fois. C'est en 1994. Il est interviewé par Jean-Pierre Elkabbach après les révélations du livre de Pierre Péan. Passe-moi, quel sentiment vous avez, vous portez au maréchal Pétain ? À ce moment-là, on a beaucoup vécu sur l'idée, idiote, mais très répandu, que Pétain et De Gaulle étaient d'accord. Vous voyez, dans les camps, il y avait des cercles Pétain. Et vous faisiez partie des cercles Pétain ? Jamais. J'étais contre. Et j'ai mené une action pour refuser ce type d'adhésion qui, au fond, devenait elle-même idéologique, c'est-à-dire Pétain, bon, ben, c'était une couverture, révolution nationale, ça non. Donc c'est pour vous dire que les choses sont plus compliquées qu'on ne croit. Nous, on pensait, on disait, voyons, ce général et ce maréchal, qui étaient très amis. L'autre, les déclarations du général de Gaulle ne donnaient pas l'impression qu'il y avait une collusion ou une complicité entre eux. Les déclarations du général de Gaulle, je ne sais pas où vous les auriez entendues, vous, spécialistes de la radio. Hein? Ça ne se passait pas comme ça. Mais j'ai vécu sur cette hypothèse bête pendant un certain temps. Ça n'a pas duré. C'est ça. C'était donc le 12 septembre 1994 sur France 2, en direct depuis l'Élysée. On sent bien l'énervement du président de la République face aux questions de ce journaliste spécialiste de la radio, comme il dit. Et là encore, il cherche à justifier son engagement pétainiste. Oui, et on sent son trouble et là, pour le coup, ses arrangements très nets avec la vérité. Parce que la question pour les gens comme lui, ce n'est pas d'avoir cru à une entente improbable entre De Gaulle et Pétain. Non, c'est d'avoir cru que c'était par le maréchal qu'il y aurait une revanche et une résistance. Et de, à aucun moment, de n'avoir adhéré au projet gaulliste qui est considéré De Gaulle comme un dissident, quelqu'un qui nuit à l'union des Français et qui ramène la République ONI, la République des Juifs, et ouvre la porte aux communistes. Voilà, hein, il faut quand même appeler les choses par leur nom. Ce sont deux franges de la résistance qui vont avoir les plus grandes difficultés à se réconcilier. Hein. Mitterrand a-t-il été pétainiste par conviction ou par ambition opportuniste ? Alors, par conviction, je pense vraiment. Il est quand même encore sur sa ligne d'une France chrétienne à régénérer. Oui, voilà. Il pense à la Révolution nationale. Voilà, et ça pose bien sûr la question de l'antisémitisme. Oui, parce puisque dans cette même interview avec Jean-Pierre Elkabbach, celui-ci lui pose la question « Aviez-vous entendu parler des statues des Juifs ?» Il dit « Oh non, c'était vraiment quelque chose, on pouvait passer au travers. » Non. La photo, la fameuse photo de Mitterrand avec le maréchal Pétain, donc à Vichy, cette rencontre, longtemps cachée, elle date d'octobre 1942. Il y a eu la rafle du Veldiv 3 mois plus tôt. Les convois de déportés n'arrêtent pas de partir pour l'Allemagne. Qu'est-ce que Mitterrand sait de cela? Alors, et il y a eu aussi les rafles en zone libre de l'été 42, condamnées par une partie de la hiérarchie catholique française publiquement. Donc il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas être au courant. Mais en fait, je pense que c'est passé pour lui par pertes et profits. Voilà, ce sont les dommages collatéraux de la guerre et de l'occupation. Comme ça l'a été pour beaucoup de gens. Tout à fait, et ce n'est pas un sujet central. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que la chaîne d'Antoine Mauduit, à laquelle il est fait allusion dans la fiction, aidait les prisonniers de guerre à s'évader, mais portait secours à toutes les personnes traquées, y compris des Juifs et des Juifs étrangers, puisque le père de Serge Klarsfeld a été aidé à un moment par cette organisation. Est-ce que ce passé ambigu donc de François Mitterrand aura des conséquences sur sa politique quand il sera ministre et évidemment, a fortiori, président de la République 2 fois? Alors, c'est au travers de ses amitiés peut-être que cette question a été posée. Il est d'une fidélité sans doute admirable, mais peut-être pas toujours bien placée. Ses relations avec René Bousquet... Qui fut l'opérateur français de la rafle du Veldiv en 42. Tout à fait, et aussi des rafles de la zone libre. Et je pense que dans une certaine mesure, ce passé n'ont révélé le met parfois un peu en situation de vulnérabilité. Oui, et puis on pense aussi, bien sûr, à ces gerbes de fleurs qu'il fait déposer tous les 11 novembre, oui, quand il est président de la République, voilà, sur la tombe du maréchal Pétain, et le fait qu'il refuse absolument d'imputer à l'État français, à la France, la responsabilité de la complicité de l'aide à l'application de la solution finale en France, voilà, avec les débats très violents que ça suscite au début des années 1990. Merci Bénédicte Vergès-Chaignon. Pour en savoir plus sur cette histoire donc de François Mitterrand et aussi des autres Vichisto-résistants, je conseille vivement la lecture de votre livre Les Vichisto-résistants, disponible en poche chez Perrin dans la collection Timpus, et à lire également votre biographie de Pétain chez Perrin et votre dernier livre Jean Moulin l'affranchi, paru chez Flammarion. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à la toute fin du XVIIIe siècle sur les routes de Bretagne en compagnie de Joseph Giraudeau, espion en faveur des Républicains. C'était l'époque de la guerre des Chouans. Un espion chez les Chouans, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais tout de suite, après le flash, c'est Édouard Baird qui vous attend, lumière dans la nuit.